viens vous parler d'un mec étrange qui se baladait parmi les anges de ce monde cruel et sournois, l'homme à la gueule de bois. Il fumait des heures dans le noir, de douces cigarettes illusoires qui le faisaient mourir de joie. L'homme à la gueule de bois, grand kamikaze illuminé, à bord d'une bagnole déglinguée, nuit après nuit jusqu'à très tard, il trafiquait tous ses radars. Aigre et non fébrile et fiévreux, sur son carnet des mots sacrés, un Prométhée bravant les cieux, l'homme à la plume de feu, grand kamikaze voltigeant, grande poussière dans le vent, au soleil crachant incendiaire, yeah, l'homme à la tête brûlée. Yeah. Or, les gens de peu de vertu que c'était un homme perdu. Il lui faudrait bien tout tard passer la porte du laminoir. Il était triste comme un saoul, n'aimait jamais qu'on le console, et sur les monts désespérés de sa pauvre âme ensanglantée, on aurait dit qu'il était planté. Le plus vilain des drapeaux noirs, dans un bolide au vide teinté, un beau jour il s'est en allé, les poings serrés, la rage au cœur, les yeux ravagés par les pleurs. Depuis, le monde a bien changé, dans ses deux petits yeux délavés, dans lesquels on pouvait mirer la douce étoile de la vérité. Grand kamikaze voltigeant, grande poussière dans le vent, au soleil crachant incendiaire, yeah, ses ailes de cire ont flambé. Baladé parmi les anges de ce monde cruel et sournois. L'homme à la gueule de bois.